J'ai commencé à enregistrer Manu et Karim quand ils se sont mariés il y a presque 25 ans. Bonsoir. Bon, la bouffe est prête alors. Et là, je puis. C'est la fête. Dans notre cercle d'amis, c'était un couple mythique. Ils partageaient la même passion pour le bricolage, les métaphores culinaires et une bonne dose d'anticonformisme. Surtout, ils arrivaient à nous faire croire à l'amour pour la vie. Et les autres filles, t'as mis complètement de côté, quoi. Je sais pas, tu bouffes un très bon gâteau, y en a un très bon à côté, tu finis le tien, quoi, non ? C'était en 1997, Manu avait une belle robe rose et ils se sont dit oui pour la vie. Oui. Oui. Alors, voilà le livret de famille, signé par moi. 14 ans plus tard, j'ai reçu des nouvelles de Manu et Karim. Ça n'allait pas très fort. Quand j'ai compris qu'ils parlaient même de séparation, je suis tombée des nues. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à être heureux dans cette vie-là. Elle est super. Moi, les vacances, je vais. Et Manu, elle aime bien. Moi, l'activité, j'adore. Manu, elle aime pas. Quand elle fait des fruits de mer, elle adore, mais pas moi. Bon, à la rigueur, c'est pas ça qui va faire une séparation de couple, hein. Alors, je suis retournée les voir quelques jours avant le début de leur médiation de couple. Je voulais savoir si c'était rattrapable. Mais comment vous avez fait pour vous aimer pendant autant d'années ? Et toi, pour l'aimer pendant autant d'années ? Mais parce que à un moment, quand tu montes des projets ensemble, peu t'importe, mais il n'y a aucune garantie, jamais. C'est ça, l'amour, pour qu'on aime, pour qu'on n'aime plus. La séparation, c'est un podcast qui raconte 25 ans de la vie quotidienne d'un couple et qui tente de comprendre pourquoi on aime et pourquoi on n'aime plus. Pourquoi Carla Bruni aime Nicolas Sarkozy ? Pourquoi ? Ça, c'est une grande question quand même. Non, tu ne le mettras pas dans le reportage. Un podcast de Sophie Simoneau, réalisé par Emmanuel Geoffroy et proposé par Sonia Kronlund pour Les Pieds sur Terre.